Ce soir, nous abordons un sujet qu'on pourrait considérer d'actualité, puisqu'on parle au Texas de sectes et de fanatisme. Donc, dans la première partie, nous aurons Bernard de Montréal qui nous parlera du fanatisme spirituel. Bernard. Est-ce qu'on a la grippe? Je suis déjà fait d'avance, mais quand j'ai la grippe, là, je suis bien mal à terre. À la fin de la soirée, vous allez imaginer que tout va bien. Ouais. Visualiser. Oui, mais ça prend un grand avantage, ça, quand tu ne mets pas. Maintenant, un sujet d'actualité, on voit des gens qui sont dans des sectes, qui sont, dans un sens, prisonniers au Texas, d'une personne qui se prend pour le Christ. Le sujet de la première partie, c'est le fanatisme spirituel. Qu'est-ce qui peut amener des individus à risquer leur vie d'une façon intégrale pour suivre un individu qui se prend pour le Messie ou une forme quelconque de personnage du passé, là, d'une religion? Qu'est-ce qui fait qu'un être devient fanatique pour un autre ou par rapport à un autre individu? Aujourd'hui, là, à la fin du 20e siècle, l'être humain, le monde, les gens, ont besoin de il faut ouvrir des nouveaux réseaux de pensée. Puis, avec les anciens réseaux de pensée, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Ça prend des nouveaux réseaux de pensée. Des nouveaux, autrement dit, il faut qu'on atteigne des niveaux de pensée ou des niveaux de conscience beaucoup plus avancés que ce qu'on a. Pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Ça fait longtemps qu'on parle de l'astral, la planète. Ces individus-là, comme ce type-là, là, à Waco, Texas, c'est des gens spirituels, c'est du bon monde, mais ils se font astraliser. Puis, c'est le problème fondamental de l'homme sur la Terre, de se faire astraliser. Dans notre éducation, dans notre psychologie, dans nos sciences humaines, on s'est interrogé sur la matière, on s'est interrogé sur le rapport entre l'homme et le monde matériel, mais officiellement, on ne s'est pas interrogé sur le rapport entre l'homme et les plans spirituels. À travers la religion, on a fait des raccords, mais pour réellement étudier les lois là, de ça, là, ça n'a jamais été fait. Et quand on arrive à la fin d'une civilisation, à la fin d'un cycle comme celui qu'on connaît là, où toutes les valeurs sont en transformation très rapide, il y a des individus comme ça, du bon monde, qui se font astraliser, autrement dit, ils deviennent des canaux, pour des forces occultes dont ils ne connaissent pas, comprennent pas le mécanisme. Puis, tout peut arriver dans la vie de ces gens-là. On se rappelle l'histoire de James Jones, dans le temps. James Jones, c'est ça. Suicide collectif. C'est ça. Puis, mais alors, est-ce que c'est possible qu'un individu puisse se faire astraliser et contaminer, finalement, une population? Oui, c'est très facile, parce que les gens, quand une personne se fait astraliser, cette personne-là, elle est possédée. Il y a une emprise astrale sur son mental qui est très fort. Puis ça magnétise l'ego des hommes. Puis, là-dedans, t'as des gens qui sont jeunes, t'as des gens qui n'ont pas d'expérience, t'as des gens qui sont à la recherche, t'as des gens qui souffrent dans la vie. Ça, de raison. Puis ces êtres-là leur offrent des solutions. Puis tu peux pas offrir à une personne une solution. La mort, il faut qu'il trouve leur propre solution. Tu peux expliquer comment ça fonctionne, l'homme, par rapport au plan spirituel ou au plan occulte ou l'astral, whatever. Tu peux expliquer qu'est-ce que c'est l'âme, ainsi de suite. Mais tu ne peux pas donner à l'homme une solution pour sa vie. Il faut qu'il prenne sa vie en main. Puis ce qui arrive avec ces gens-là, c'est que quand les jeunes rentrent dans ces organisations-là, graduellement, le personnage central, il se dévoile. Et puis, il se dévoile par des abus quelconques, que ce soit la drogue, que ce soit les armes, que ce soit la domination. La domination, c'est un gros signe. Quand une personne est prête à dominer, il y a des gens qui aiment ça être dominés parce qu'ils n'ont pas de volonté, ils n'ont pas de centre de gravité, ils aiment ça avoir un leader. À ce moment-là, quand ces êtres-là viennent, puis qu'il n'y a pas eu de dégâts encore, là, parce que le dégât en général vient à la fin, ces individus-là perdent beaucoup de leur identité, puis là, ils s'astralisent aussi, puis eux autres deviennent magnétisés, puis là, c'est une boule de neige. Puis aux États-Unis, c'est très grave parce que les Américains sont très religieux, sont très spirituels, les Américains. Mm-hmm. Il y a un gros mouvement fondamentaliste aux États-Unis au niveau de la religion, puis il y a beaucoup de drogue aux États-Unis, il y a beaucoup de dislocations, d'aliénation au niveau de l'individu. Fait que c'est regarde le mouvement hippie des années 60. Là. Fait que tout ça concourt, puis c'est un grand pays, puis il y a beaucoup de liberté, tout le monde veut être libre, tout le monde veut faire ses affaires. Fait qu'au cours de notre génération, il s'est produit beaucoup de phénomènes comme ça, où les individus ont perdu contenance par rapport à eux-mêmes et où on s'aperçoit que des chefs ou des leaders spirituels ont pris complètement avantage des autres, malgré eux-mêmes, anyway, parce que ce type-là, il est tellement possédé qu'il ne peut plus clair, hein? C'est comme Manson, ça. Puis c'est très grave, puis je vois pas que ça s'améliore, la situation, faut que les gouvernements mettent leurs doigts, mettent leur nez là-dedans. Les gouvernements peuvent pas rester trop à l'extérieur de ces communautés-là, parce que pour des raisons de loi, comme aux États-Unis, ils ont le First Amendment Law. Aux États-Unis, quand c'est une religion, le gouvernement ne fait pas interférence avec ta religion. Et quand c'est une religion qui est normale, ça marche. Mais quand c'est une religion qui devient réellement anti-individuelle, destructive, violente, psychotique, là, le gouvernement a la responsabilité de rentrer et de réellement aller voir ce qui se passe avec ces gens-là. Puis, éventuellement, ils vont être obligés d'ajuster. Les Américains vont être obligés d'ajuster leur loi concernant la liberté religieuse aux États-Unis. Sinon, sans ça, ça va continuer parce que l'astral devient de plus en plus fort. Mais on peut légiférer la foi. Parce que finalement, ces gens-là vivent ça au niveau de la foi. Bon, ils vivent ça au niveau de la foi. Effectivement, ils vivent ça au niveau de la foi. Mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est de la soumission à une autorité. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre manque d'individualité, manque d'identité. La foi, c'est très bon quand tu traites avec des religions, des grandes religions, là, comme la chrétienté, des religions qui sont en soi saines, même s'il y a eu des abus, mais la religion elle-même, des grandes religions, qui ont servi au développement de l'humanité. Mais quand la foi est prise dans les mains d'un individu, là c'est grave. Parce que la foi s'est institutionnalisée au niveau d'une religion par des millions de personnes pendant des siècles, c'est une chose. Mais quand la foi est récupérée par un individu, là ça devient très grave, puis c'est là qu'il faut que les gouvernements, puis les psychiatres, puis les psychologues regardent de près. Si c'est vous parler là, pour le fun. Si on me demandait moi d'aller à Waco, Texas, puis d'aller parler à ce type-là, qu'est-ce que c'est la première chose que je ferais? Ce serait de faire le contact avec son entité. Première chose. Parce que tout est là. Mm-hmm. Là, ça couperait le contact avec l'entité, puis là, probablement qu'il sera obligé éventuellement d'arrêter son processus. Mais ça fait pas partie de notre science psychologique. Mm-hmm. Puis, au cours de l'évolution de la psychologie, il va falloir que les psychologues commence à réaliser qu'effectivement, le contact avec l'astral, c'est un contact télépathique objectif, réel. Puis il va falloir qu'on traite et qu'on deal avec ça. Puis tant qu'on ne fera pas ça, ben on ne comprendra pas ces phénomènes-là. Puis on les traitera simplement d'un point de vue social, d'un point de vue sociologique. Mais ça ne va pas empêcher le phénomène de continuer. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très important, puisque ces nouveaux réseaux de pensée-là dont je parlais tout à l'heure, c'est très important qu'il y ait des gens qui sont de plus en plus conscients de ces choses-là, écrivent. Il faut que l'homme écrive beaucoup. Puis en écrivant beaucoup, les œuvres restent, les écrits restent. Puis au cours des générations, les gens viennent en contact avec ça. Fait que quand il se produit quelque chose, ben à ce moment-là, ils ont des réponses à des problèmes que la société, pour le moment, ne peut pas leur donner. C'est pour ça que ça se passe, ça, ces situations-là. Est-ce qu'il y a différents types de fanatisme? Je pense, exemple, à du fanatisme politique. Là, on parle de fanatisme religieux. Les fans de groupes musicaux ou de chanteurs qui sont dans le pop rock, là. Est-ce qu'il y a différents types de fanatisme ou c'est tout relié à la même dynamique émotive ou mentale? Le fanatisme, c'est une perte d'identité. Dans le fanatisme, il y a une perte d'identité, c'est le remplacement de ton identité par un autre. Okay. Que ce soit au niveau des religions, que ce soit au niveau des fans, c'est ce qui est très grave aujourd'hui, surtout à la fin du 20e siècle. Puis, le plus grand problème de l'être humain sur la Terre, c'est son absence d'identité. Puis ça va très loin sur l'absence d'identité, parce que l'homme en tant qu'espèce, soit jaune, blanc, noir, et ainsi de suite. L'homme en tant que race a été placé sur la planète dans le passé pour évoluer. Le contact avec les autres mondes a été coupé. Donc l'homme, même en tant que race planétaire, l'homme n'a pas d'identité. Le chinois, c'est pas ce qui vient. Le noir, c'est pas ce qui vient. Le blanc, c'est pas ce qui vient. Fait que l'homme en tant que race n'a pas d'identité. Fait que comment voulez-vous que l'homme en tant qu'individu ait de l'identité s'il n'en a pas en tant que race? Si en tant que race, on savait qu'on vient de telle planète, de 50, 70, 10 000 ans, si on comprenait tout le processus de développement de la civilisation sur la Terre jusqu'à aujourd'hui, bon, au moins la race aurait une certaine identité, mais on ne l'a pas. Donc au niveau de l'individu, c'est encore pire, puis il vient un point où des hommes, dans leur grande solitude, seront obligés d'aller au-delà, de dépasser la mémoire de la race pour entrer directement dans une mémoire universelle, vibrante, une mémoire systémique de l'évolution, ramener de l'information pour que l'homme puisse comprendre comment sa race a évolué, comment lui évolue, puis comment lui évolue par rapport à sa race, puis qu'est-ce que c'est le problème d'identité de l'homme par rapport à sa conscience ultimement universelle. C'est abominable qu'un être humain ne se connaisse pas lui-même. C'est une aberration. C'est totalement anti-scientifique. Puis, quand tu tombes dans des périodes difficiles comme on a aujourd'hui, avec des jeunes qui font de la drogue, puis des jeunes qui vivent dans des espaces extrêmement vastes comme aux États-Unis, où il y a une grande aliénation, où il y a une grande perforation du tableau individuel, à ce moment-là, tu finis avec des situations comme ça. Puis de temps en temps, il y en a une. On a toujours une mauvaise nouvelle de temps en temps. Puis ça va continuer comme ça tant que... Mais n'oubliez pas que ça fait partie du karma individuel, ça. Si vous commencez à regarder ce qui se passe dans le monde au niveau personnel, vous allez être très, très malheureux. Ce qui se passe dans le monde, ça fait partie du karma des nations. Puis, parce que ça va tellement mal, là, puis les nouvelles sont tellement négatives, puis en plus du fait qu'on a la télévision, puis l'informatique, puis CNN... Que quelqu'un qui vit ça là, trop près, là, éventuellement, il va se démeubler l'esprit. Ça fait que il y a un karma des nations, ce qui se passe en Serbie, en Herzégovine, puis tous ces pays-là, ce qui se passe avec les Arabes, là, de ce qui s'est passé au Tower de New York, là, dernièrement, le mouvement islamique, ça fait toute partie du karma des nations. Mais un individu ne peut pas participer au karma des nations, quand il est conscient. Maintenant, vous avez dit que pour avoir l'identité, il faut avoir une sorte de conscience d'où on vient, donc de sa source. Les gens, aujourd'hui, vous dites qu'ils n'ont pas d'identité. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont coupés de leur conscience de d'autres vies, de réincarnation ou d'une source quelconque? C'est pas tellement la conscience des autres vies qui m'importe. Ce qui est important, c'est que l'homme ait conscience de lui-même maintenant. Puis conscience de lui-même maintenant, c'est pas la philosophie bouddhiste, là. C'est pas assez pour nous autres aujourd'hui. L'homme a besoin d'être en communication télépathique avec les circuits universels, puis ça fait partie des sciences qui viennent maintenant. On commence à avoir un peu de matériel sur ça. Mais ultimement, il faut que l'homme prenne conscience des circuits universels ou des plans avec lesquels il a toujours été en communication, parce que son identité, elle est là. Comment voulez-vous connaître, comprendre ce qui se passe sur une planète si vous ne comprenez pas ce qui se passe avec vous-même? Comment comprendre ce qui se passe avec vous-même si vous ne comprenez pas ce qui se passe entre vous et les plans? C'est une impossibilité. Ça a été la situation de l'homme pendant l'évolution depuis des milliers d'années. L'homme ne peut pas indéfiniment avoir comme référence ce que les autres pensent. Tu ne peux pas indéfiniment avoir comme référence ce que les autres pensent. J'ai déjà expliqué que le plus grand problème de l'être humain sur la Terre, en ce qui concerne l'identité de sa race ou son identité personnelle, c'est le mensonge. Le mensonge fait partie intégrale de la conscience humaine. Puis ça va très loin, le mensonge. Puis le mensonge, c'est pas ce que vous c'est pas tellement ce que vous concevez comme mensonge. Le mensonge, quand on le regarde d'un autre point de vue, là, c'est la déformation systématique de toute conscience qui a besoin de savoir absolument comment elle fonctionne par rapport à l'invisible puis la matière. Mm-hmm. Puis l'homme, pour avoir accès à cette, pour pouvoir voir à travers ces mensonges, ces couches de mensonges à tous les niveaux. Il faut que l'homme ait beaucoup d'identité parce que c'est pas facile de supporter ce que tu sais. Puis si l'homme n'a pas d'identité, il ne peut pas supporter ce qu'il sait, fait que c'est un cercle vicieux. Puis c'est un changement très graduel. Puis il va venir un temps où l'être humain va passer à un autre niveau de conscience. C'est là qu'il va réaliser que le mensonge fait partie intégrale de son manque d'identité sur la Terre. Que tu parles politique, que tu parles de religion, que tu parles de ci ou que tu parles de ça, le mensonge... Regarde le problème anthropologique. Les anthropologues, il y a des anthropologues, je pense à Binford aux États-Unis, à l'Université du Nouveau-Mexique, là, puis Marshall. Il y a des anthropologues là, qui sont... Eux autres, l'être humain, l'homme, il est venu du détroit de Bering, il est descendu à la côte canadienne de Vancouver, puis il est descendu à travers, il est descendu aux États-Unis, il est descendu en Amérique du Sud. Ça, pour eux autres, c'est réglé. Après ça, tu prends Casey, le voyant. Casey, il dit, il y a eu trois grandes destructions, dans le bout de 48 ou 58 000 ans, 28 000 ans, puis 10 000 ans. Après ça, tu prends un autre, puis un autre, tu prends l'Église. Bon, mais l'Église, dans le temps, c'est tout de même aujourd'hui, mais dans le temps, ça a pris ce jour. Bon. Fait que tu t'es voulu au cours des années, t'es pogné en Binford, l'Église, puis Casey, puis qu'est-ce que tu veux que l'homme comprenne de son évolution? Là, t'as des archéologues un petit peu spécialisés, là, qui sont pas trop aimés de leur département. Il y en a un à Harvard, là. Bon, eux autres, ils ont fait des études, là, puis ils voient qu'il y a des grands parallèles entre ce qui s'est passé, par exemple, chez les Indiens, ce qui s'est passé en Égypte. Mais il y a encore du mensonge. Autrement dit, le mensonge est viscéral sur notre planète. Puis c'est le mensonge est tellement grand que... Je suis convaincu que si l'homme faisait face à l'absence du mensonge instantané concernant toute la réalité, l'évolution du système, son évolution personnelle, les races antérieures, ses expériences antérieures, tout, là, réellement savoir, on est d'un univers, là, qu'est-ce qui se passe, tu sais, l'homme, s'il n'était pas conscient, l'homme deviendrait fou instantanément. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que, on pense avec du mensonge. On est mensonger dans notre pensée. On est mensonger dans notre pensée. Ça fait que tu vas dire, bon ben, un gars qui n'a pas de contact intérieur, là, qui s'occupe de ses affaires ici, là, qui répare des chars, puis qui travaille chez Eaton, lui, il est bien plus safe qu'un gars comme ce type-là à Waco, Texas, là, qui a contact avec l'astral. Puis nous autres, on a l'impression qu'on pense que parce qu'on a un contact avec l'astral, on est déjà en meilleure position que le gars là, qui est bien normal, là, puis qui travaille chez eux, puis il connaît pas ça, lui, de contact avec l'astral. Puis je vais vous dire une chose, les gens, ce qu'on appelle les gens simples psychiquement, là, les gens qui lisent, même pas simples, les diplomates, les ingénieurs, les scientifiques là, qui travaillent avec la matière, ces gens-là sont moins affectés par le mensonge que nous autres. Donc, les gens qui, pour une raison de démarche, sensibilité, évolution, et ainsi de suite, entrent en contact avec d'autres sphères de connaissances. Excusez. Les gens qui entrent en contact avec d'autres sphères de connaissances, dont le premier plan, c'est l'astral, avant de venir en contact avec les circuits universels, systémiques, il faut que l'homme passe par l'astral. Tu peux pas ne pas passer par l'astral. Puis c'est là que l'homme se fait pogner. Puis ça, ça va prendre, ça va durer comme ça un certain nombre d'années. Il y a des connaissances qui vont descendre, il y a des livres qui vont s'écrire. Les gens vont savoir comment dealer avec ça éventuellement, puis éventuellement, mais le contact va se faire directement entre l'homme puis les plans systémiques. Donc l'homme va être en contact avec sa réalité universelle, puis là, ça se développera. Mais en attendant, les gens qui font de la recherche spirituelle, dans les pays occidentaux, n'importe quel pays, il faut qu'ils fassent attention à l'astral parce que l'astral fanatise l'individu. C'est l'astral qui, dans tous les secteurs d'activité humaine, crée un... Mais c'est l'astral qui supporte tout ce qui se passe en terre. Là. La musique, c'est la drogue, c'est tout supporté par l'astral. Mais la personne qui travaille avec le plan matériel, là, qui fait, comme vous dites, un travail de mécanique ou quelque chose qui est finalement très concret, il a quand même à vivre dans sa vie des croyances. Oui, mais au moins, il va avoir une grande religion, comme disons la religion catholique, qui, sur le plan moral, dans la mesure où c'est un homme qui a été bien élevé, là, au moins, la religion va lui permettre, la religion va lui créer une identité qui est positive. C'est ça que ça fait une religion. Ça crée une identité positive. Ben, fait que quand il y a ça, il travaille, il prend soin de ses enfants, fait que, il ne vivra pas avec les grandes questions fondamentales de l'astral, qui sont les grandes questions fondamentales de l'humanité. Mais à ce moment-là, est-ce que les gouvernements devraient établir une sorte de statu quo, éliminer le plus possible les religions, la multiplicité des religions? Non, faut que les gouvernements, ce n'est pas les religions qui sont le problème. C'est la liberté psychologique que se donnent certains individus qui se sont créés des religions. Autrement dit, qui en sont arrivés à dominer le mental de leurs disciples. Ça, c'est grave. C'est plus la religion, ça. Ça, c'est du brainwashing. C'est satanique. Mais Bernard, tous les gens qui ont le pouvoir financier ou politique aiment se mêler ou se marier à des gens qui ont une certaine influence à caractère spirituel, même religieuse, ou qui peuvent établir des courants de pensée. Tous les grands politiciens ont toujours eu un personnage à leur côté qui travaillait des modes de pensée. On pense à Marx en Russie, qui a créé un courant de pensée socialiste. Les gens qui font de la politique sont naturellement portés à chercher un pouvoir par le fait de la pensée. Donc, c'est des êtres qui sont inévitablement possédés. Est-ce qu'on peut éviter d'avoir des gens qui vont régler, ou qui vont établir une sorte de légifération sur notre société, et qui ne sont pas eux-mêmes possédés par l'astral? Est-ce que c'est possible de s'imaginer ça? Comment on peut avoir des gouvernements conscients au point de nous protéger réellement contre les mécanismes, disons, d'astralisation? Tu ne peux pas parler de gouvernement conscient, tu peux parler de gouvernement évolué. L'évolution des gouvernements, c'est très lent, ça fait partie de l'évolution des individus, c'est basé aussi sur la prise de conscience des crises. C'est comme ça que les gouvernements évoluent. Il y avait des bonnes idées dans le Marx. Karl Marx avait des bonnes idées. C'était pas Marx d'abord qui était le problème. Le grand problème en Russie, ça a été Staline. C'était pas Marx. C'était Lénine un petit peu. Mais Marx, c'est un grand philosophe. Mm-hmm. Le concept fondamental de donner au peuple les moyens de production, il n'y a pas de problème avec ça. Ou ils ont fait des erreurs, c'est quand ils ont appliqué ces philosophies-là, puis qu'ils ont voulu enlever à l'individu des facultés fondamentales, historiques, universelles, dont la religion. Tu ne peux pas enlever à un homme, même si c'est très très sophistiqué intellectuellement, tu peux pas enlever à un homme le droit de pratiquer sa religion. Pour la simple raison que la religion, c'est un absolu à vérifier. Une religion, c'est un absolu à vérifier. Ce qui veut dire qu'une religion, c'est la part psychologique ou psychospirituelle de certaines notions qui peuvent venir d'un initié ou qui peuvent venir au cours des siècles d'une source qui, avec le temps, sera vérifiée. Aujourd'hui, quand on parle de l'astral, par exemple, on vérifie la fondation spirituelle des religions. On la vérifie. Mais ça ne peut pas être fait par l'homme au large, parce que ça fait partie d'une nouvelle évolution. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on fait face à une nouvelle science, puis cette nouvelle science-là, qui va toucher à tout, cette nouvelle science-là, elle part d'abord du centre même de l'individu. Elle ne part pas d'une conscience collective. Donc, il n'y aura jamais d'université ou de département ou de gouvernement qui s'interrogeront à la religion comme des hommes individualisés peuvent le faire. Par contre, des hommes individualisés peuvent le faire et créer des centres d'information-là pour qu'au cours des générations qui viennent, d'autres hommes en voie d'évolution puissent se greffer à ça et pour qu'ils se créent de nouveaux courants de pensée. Autrement dit, pour que la religion qui en soit un absolu à vérifier soit éventuellement parfaitement compréhensible. Fait que quand tu parles de Dieu, quand tu parles des âmes, quand tu parles du ciel, quand tu parles de l'enfer, c'est quoi ça? Fait qu'il va falloir que l'homme sache qu'est-ce que c'est ce jour. Puis tu peux pas savoir ces choses-là si tu ne te projettes pas complètement en dehors du mensonge cosmique. Puis le mensonge cosmique, c'est l'emprise de l'astral sur le mental humain, c'est la fondation même du mental inférieur qu'on appelle l'intellect. Donc, le mensonge cosmique, c'est une retenue d'information. Quand un être humain est retenu de l'information, par rapport à n'importe quoi, il y a du mensonge cosmique. Mais il y a beaucoup de gens qui ont écrit des livres de théologie, puis toutes sortes de formes de livres qui touchaient le psychisme et l'occulte et tout ce qui touche le mystique dans un sens. Et, comme vous dites, c'est un absolu à vérifier. Est-ce que leurs affirmations, leurs convictions, si on ne parle pas de certitude, était valable en soi, dans la démarche de vie qu'ils ont connue. Disons, qu'on parle de Sartre, qu'on parle de Sri Aurobindo. Ça fait partie de leur expérience à eux. Ça fait partie des conséquences sociales de leur expérience dans la masse. Mais dans la mesure où l'homme passe de l'évolution à l'évolution, où l'homme s'individualise, tu ne peux plus faire de théologie pour l'homme. Tu sais, si je rencontrais un théologien, moi, sa théologie, qui pourrait être une très belle structure, une très belle architecture au niveau des mots, n'aurait plus, pour ma personne, de valeur intégrale. À ce moment-là, comment qu'on peut la vérifier? Vérifier quoi? Ben, si lui, il écrit un livre, exemple, sur une dimension théologique quelconque, il vous la présente à vous, puis pour vous, ça colle pas à votre mental. Comme qui devient l'élément de vérification, quoi qui devient l'élément de vérification? Qu'est-ce qui dit, je dirais vrai, là, mais qui dit que c'est réel, un ou l'autre? Votre livre contre son livre, là. Comment ça se situe? Comment l'individu peut savoir, quand il lit un livre, que cette information-là correspond à de la réalité? Bon, d'après sa propre réalité, lui. Sans ça, l'homme tombe sous les lois de la vérité. Là, t'es fait. Donc, tout ce qu'on va dire, autrement dit, quelqu'un qui prendrait mon livre et qui lirait mon livre comme étant de la vérité, il va avoir des gros problèmes, parce qu'un jour, je peux le défaire, ce livre-là. Je vais le mettre à terre complètement pour aller encore plus loin. Mm-hmm. Ça fait que sous-tend le vrai puis le faux. Fait que tu peux pas prendre un livre qui fait partie de la communication avec le plan mental ou les circuits universels, puis coller à ce livre-là la catégorie de vérité. Je peux pas dire que mon livre c'est de la vérité. Que Dieu, ça n'existe pas. Qu'est-ce que les gens vivent? Tu leur enlèves quelque chose? Parce que leur façon de penser est basée sur des méthodes de perception de l'invisible ou de l'absolu qui sont nécessaires à leur émotivité. Donc, ils ont besoin de ça. Tu ne peux pas enlever ça à une personne. Tu ne peux pas enlever des absolus qui doivent être vérifiés dans le temps à des êtres qui, temporairement, maintenant, n'ont aucune identité. Ça, c'est du côté négatif. Puis de l'autre côté, c'est la même chose. Tu peux pas imposer à des êtres une vision de ta grandeur ou de ta mission. Parce que tu vas rendre ces êtres-là esclaves de ta personne parce qu'ils n'ont pas d'identité. Ça fait encore partie du mensonge cosmique. Donc, la réalité, c'est finalement seulement celui qui s'exprime. Celui qui écoute ou qui lit un matériel, il est sujet à interpréter ce qu'il enregistre ou ce qu'il reçoit à sa façon. La réalité, c'est la conversion instantanée de la lumière en code mental, donc en pensée, qui permet à l'homme d'étudier n'importe quoi, quand il veut, où il veut, sans aucune réflexion. C'est ça la réalité. Autrement dit, la réalité, c'est la capacité de l'homme mentalement de communiquer avec des univers parallèles, ramener de l'information, rester dans son corps physique, puis étudier la matière, ou étudier les conditions sociologiques, ou les conditions historiques de son temps. C'est ça la réalité. Dans la réalité, il n'y a pas de vérité dans la réalité. Puis ça, c'est très dur pour nous autres à comprendre ça. Parce que, pourquoi est-ce que j'ai appelé le livre « La genèse du réel » ? Premièrement, j'aurais pu dire, je vais appeler ça la genèse de la réalité. C'est trop proche de vérité, ça, de la réalité. Maintenant, Montréal, il y a accès à la réalité. Ça, j'ai mis ça de côté. J'ai appelé ça la genèse du réel. Mm-hmm. Puis, j'ai appelé ça la genèse du réel parce que on est à un âge où l'homme devient de plus en plus équipé psychiquement pour traiter avec des notions qui ne font pas partie du mental évolutif de la race. Donc, ils ne sont pas conditionnés par le fait qu'il a été projeté, parachuté sur la Terre le tant de milliers d'années, puis qu'il a évolué très, très lentement jusqu'ici, puis que maintenant, il est prêt à retourner à la source. Puis, ça ne fait pas dans le monde. Ça fait partie d'une nouvelle évolution. Mais il faut que ça commence quelque part. Puis pour que ça commence quelque part, il faut qu'on commence à explorer des nouvelles avenues, des nouvelles façons de vivre le mental. Puis ça fait partie de la conscience supramentale. Puis ça, c'est proportionnel à notre capacité de sortir du vrai et du faux. Puis c'est pas facile de sortir du vrai et du faux. Le vrai puis le faux, c'est une grande sécurité pour l'être humain. Fait que tu veux pas le vrai, tu t'en vas dans le faux. Tu veux pas le faux, tu t'en vas dans le vrai. Mais même quand tu es dans le faux, une personne peut être dans le faux, puis penser qu'elle est dans le vrai. C'est ce qui arrive avec Waco, là. C'est ça. Et là, tout ça. Fait que la polarité, la polarisation de l'énergie de la lumière, quand elle passe à travers le plan astral de l'homme, automatiquement, elle crée ce que j'appelle de la personnalité. Puis dans la réalité, dans les sciences universelles, qui touche à n'importe quoi. La science universelle, ça regarde n'importe quoi. La vérité, ça n'existe pas. Parce que moi, quand je suis à la télévision, soit chez nous, puis j'entends les scientifiques parler ou n'importe quoi, là, bon, ils font la recherche intéressante, c'est pas moi. Puis, je dis, là, me dire à ma femme, ça c'est intéressant, mais regardez qu'est-ce que c'est que ça. Fait que je prends mon crayon, puis je l'écris, qu'est-ce que c'est que ça, on a rien de ça, là. Je ne peux pas perdre mon temps à prendre le téléphone et écrire au gars et expliquer ce que je sais. C'est pas ma job. Mais je vais prendre mon crayon et je vais le descendre, cette information-là. Fait que je vais avoir une information sur cet aspect-là de la science qu'ils sont en train de développer. Mm-hmm. Bon, mais ça fait partie du réel. Mais si je prenais le téléphone, puis j'appellerais au Smithsonian Institute, puis je dirais, Dr. Weinberg, je voudrais vous parler, vous avez été à la télévision, là, tout à l'heure, vous avez parlé de telle affaire, là, j'ai des idées sur ça, je tomberais sous des lois de la vérité. Pourquoi? Parce que je voudrais prouver à un scientifique que je sais ce que c'est ou que je sais encore plus. Je serais astralisé dans ma conscience. C'est subtil. Ah, c'est subtil, ça peut être. C'est subtil, ça peut être. C'est pas mal. C'est... Bernard, comment ça se communique, la réalité? La réalité, ça ne se communique pas, ça se vit par vibration. Ça se... on devient sensible à sa vibration au fur et à mesure où on sort de la polarité du vrai et du faux. Puis ça, faut, on s'habitue avec le temps, on s'habitue. C'est comme un gars qui s'habitue à plonger 1000 pieds sous l'eau. Tu t'habitues. Tu vas par étape. Fait que finalement, mais, puis qui te rend dans la réalité, qui t'éloigne de la vérité? Moi, j'ai peur de ça, la vérité, c'est fanatique. C'est parce que ça engendre du fanatisme. Ouais. Fait que quand tu tombes au niveau de la société, là, ben, tu vas tomber dans le fanatisme spirituel des religions, là, comme on trouve. Là. Mais quand tu tombes au niveau politique, mais quand tu tombes là, dans l'occulte, là, la Bible, puis Christ qui parle, puis toute cette gang-là, là, si ça va, ce pauvre gars-là, qui ce que c'est qu'il parle, là? Tu serais terrorisé. Il défriserait. Fait que... Mais je me rends compte, Bernard, qu'on peut pas absorber quelqu'un de réel si on n'est pas réel, la façon que vous parlez. Bon, on peut pas absorber quelqu'un de réel. Quelqu'un qui est réel contrôle tellement son énergie que tu n'as pas de problème d'absorption avec. Mm-hmm. Il ne dérange rien. Mais dans le cas d'une production, cassette, livre, ou des choses qui ne sont pas sous le contrôle de l'individu qui parle, au moment où il parle, l'autre qui absorbe le matériel à travers l'écriture, exemple, ou à travers, je ne sais pas, une cassette vidéo, ou une cassette tout simplement, il traite, s'il n'y a pas de centre de gravité, s'il n'y a pas d'identité, comment il peut composer avec la réalité de l'autre? Vous affirmez des choses qui font partie de votre réalité, mais... Faut pas qu'il compose avec la réalité d'autres, faut qu'il compose avec sa réalité à lui. S'il compose avec sa propre réalité, il va comprendre la mienne, il va comprendre celle de l'autre. Vous n'avez pas de difficulté à me comprendre quand je vous parle? Oui. Bon, ben, si vous êtes suffisamment dans votre réalité pour me comprendre, fait qu'il n'y en a pas de problème. Quand vous me parlez, je vous écoute. Fait que je vis dans votre réalité. Fait que l'information que vous me donnez, je la prends, je m'en vais avec ça. Bon, mais ben, il faut que l'homme soit dans l'identité, puis c'est ça le problème de l'être humain, il n'en a pas d'identité. C'est le plus grand problème de l'homme aujourd'hui. Je regarde ce qui se passe là, dans la vie des jeunes, la musique, le cinéma, le ci, c'est aberrant. Bon, mais on va prendre un jeune qui écoute de la musique du type heavy metal ou heavy rock, des choses du genre, il va vibrer à la réalité du musicien avant. Il va vibrer à la réalité astrale du musicien avant. Mais il va quand même s'identifier à ça. Il enlève d'identité. Un homme qui est dans sa réalité n'enlèvera jamais d'identité à un autre. Comment ça se passe, ce processus-là, d'enlever d'identité à quelqu'un? La parole, la pensée, les mots mettent les êtres en vibration. C'est quelqu'un qui chante une chanson, je prends les rappers aux États-Unis, là. T'as des rappers, t'as des pauvres noirs là, qui crèvent de faim dans les inner cities, pis tout. T'as des rappers, là, pis ils ont tout. Ils ont une fonction sociale, ils ont une mission sociale, il y a un karma social, là. Mais le jeune, en tant qu'individu, le petit noir, là, qui écoute cette musique-là, là, qui dit, bon, kill the cops. Mm-hmm. S'il n'y a pas de temps de graphiste, là, s'il n'a pas été bénédié par ses parents, surveillé par ses parents, il va finir avec un gant, dis-moi, tu sais, c'est ce qui se passe. Fait que ces gens-là ont une grande responsabilité, qui n'apprennent pas leur responsabilité. Ça fait partie du karma des nations. Je m'en crisse comme à la 40 qui se passe au niveau social. J'ai aucune sympathie pour la société humaine sur la Terre. Aucune. Parce que ça fait partie du karma des nations, ça fait partie de la mémoire des races, ça fait partie de l'évolution des races. Puis un jour, quand les races systémiques vont revenir, ils vont se remettre en contact avec le progéniture, là, à ce moment-là, le progéniture vont vivre des chocs réels. Fait qu'en attendant, il y a des hommes qui peuvent pas se connecter au karma de la race, mais ça sert à expliquer ce qui se passe. Fait qu'un jeune qui écoute du rap, il perd son identité. Mm-hmm. Vous parlez des progénitures par rapport à des êtres qui vont venir les chercher. Est-ce qu'à ce moment-là, les êtres qui n'ont pas d'identité sont manipulés pour ne pas avoir d'identité? Ça fait partie de l'évolution, Daniel. Ça fait partie de l'évolution, puis c'est long. Il faut que l'homme... C'est comme une génération de computer. L'être humain, c'est comme une génération de computer, puis là, on a... Au niveau de l'évolution, là, on est rendu là, à la 7e génération des computers. Là. Puis il faut qu'on sache qu'il y en a une 8e après ça. Mm-hmm. Fait que la 7e génération de computers, là, c'est la fin de l'évolution. Puis après ça, il y en a une autre. C'est cette autre génération de computers, là, autrement dit, cet autre niveau de conscience-là de l'homme futur, c'est à partir de son retour à la source qui va tout ouvrir l'univers de l'homme, de la race, puis de la planète, puis des mondes parallèles à l'homme individualisé, connecté à sa lumière, comme ça doit être. Bon, mais ça, c'est un processus d'évolution. Nous autres, quand on regarde l'homme, on le regarde en tant qu'individu nord. Mais il faut regarder l'homme en tant qu'individu appartenant à une dynamique évolutive à long terme. Par contre, ça se fait sur une base individuelle. Autant pendant l'évolution, on a été absorbé par la conscience collective, autant dans l'évolution, on sera totalement à l'extérieur de la conscience collective. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas chez McDonald's, ça. Mm-hmm. Que tu ne vas pas avoir une game de hockey. Mm-hmm. On a des corps physiques. Mais tu ne vis pas ta conscience comme ta vie d'avant. Parce que ta vibration a changé. Ton identité a changé. Je comprends, moi, que les jeunes s'intéressent à qui a fait le dernier disque, puis qu'est-ce que c'est que le dernier disque sur le hit parade, puis toute la il y a une sorte de grégor, il y a une sorte de, parce que les gens n'ont pas d'identité, fait qu'à travers la musique, ça leur donne l'identité. À travers le put, ça leur donne l'identité. Mais on est rendu à un point où c'est très grave, ça, parce que ces forces-là sont tellement grandes qu'elles font partie de la babylonisation de la Terre. Fait que, quand tu regardes ça, quand tu regardes la planète, là, à la fin d'un cycle, comme on est maintenant, là, tu ne peux plus la regarder d'une façon collective. Tu regardes en tant qu'individu par rapport à toi. Tu ne regardes plus par rapport au monde. Parce que tu es impliqué dans le karma de la race. Là, tu commences à avoir l'identité. Pour avoir l'identité, est-ce que ça prend du temps ou ça prend simplement une certaine forme d'état de conscience? Ça prend un certain temps parce que c'est difficile de supporter une certitude. C'est difficile de supporter une certitude qui t'est pas donnée de quelqu'un, qui t'est pas donnée d'une religion, qui t'est pas donnée d'un gouvernement, qui t'est pas donnée d'une science, qui t'est donnée de toi, là, quelque part, que tu connais même pas encore parfaitement. Là. Ça, c'est très dur pour l'homme de supporter cette certitude-là. Puis, le prix à payer pour ça, c'est son affranchissement, sa conscience astrale. C'est-à-dire sa capacité de vibrer des pensées qui sont réelles et non pas de vibrer des pensées qui sont véritables ou qui sont fausses. Comment qu'on peut faire la différence pour voir entre une pensée réelle et une pensée vraie ou fausse? Une pensée réelle, c'est une pensée qui t'amène toujours à ne pas souffrir. Pensée réelle. Une pensée, là, quand c'est réel, c'est intelligent. Quand c'est intelligent, ça ne t'amène pas à souffrir. Fait que si tu souffres, c'est parce que tu n'es pas intelligent. Mais la pensée cosmique, la créativité supérieure du mental de l'homme, ça n'amène pas à la souffrance. Mais pour que l'homme ne souffre pas de sa pensée, il faut qu'il voie à travers les voiles de sa pensée qui vont créer de la souffrance. Même la vérité, ça fait souffrir. Ah ben, c'est évident. C'est évident. Hey, tu prends une bonne sœur, là, tu veux pas faire de péché, là. Ouais. Puis avec Marie au Christ, là, puis elle sort l'après-midi pour aller chercher une petite Owen Ring chez Perrette. Puis un beau garçon, là, qui est son cousin. Il a des beaux yeux bleus. Il est sensible. Puis, Puis quand il avoue, il aime bien sa sœur, même si c'est une sœur. Il a chatouillé un petit peu. Bon, mais quand elle arrive dans sa cellule, il faut qu'elle cligne ça, cette affaire-là. Parce que ça va créer des petites pensées. Fait que, tu sais... On mange sa barre de chocolat avec appétit. on le sait, il y en a combien de mystiques qui se sont flagellés pour éliminer la pensée, la vérité. Il faut rester toujours dans la vérité. Mais prenez donc la même sœur qui avait des pensées réelles. Ce serait quoi exactement? Une sœur qui avait des pensées réelles? C'est la même situation, hein. Elle ne pourra pas être sœur. Je t'achète les contrats. Elle ne pourra pas rester sœur parce qu'elle en sert trop. C'est ça. C'est une société réelle, d'abord, j'ai l'impression que ça ne serait pas du tout ce qu'on a. C'est évident. C'est évident. Tu parles d'une société réelle, quand tu parles d'une société réelle, il ne faut pas que tu regardes l'homme comme individu appartenant à une race. À une race. Autrement dit, un être conscient n'appartient pas à une race. C'est ça que je veux dire. Ça c'est bon. C'est un grand voyageur. Un être conscient n'appartient pas à une race. Parce qu'une race, ça a sa propre conscience, ça a sa propre logistique, ça a sa propre loi. Un être conscient n'appartient pas à une race. Il peut créer des races, mais il n'appartient pas à une race. Il peut créer des races? Oui. Mais il n'appartient pas à une race. C'est ça. Comment qu'on peut créer quelque chose, quand on est réel, que les gens qui vont être placés dans cette condition-là doivent s'en défaire? C'est parce que la création des races, ça fait partie de la création des vases dont ont besoin les âmes pour évoluer. Donc un être conscient est capable de créer des races pour que des hommes 50 évoluent dans des races supérieures. Moi, je comprends. Mais un être conscient n'appartient pas à une race. La conscience d'une race est une conscience biologique qui fait partie d'un état de recherche, scientifique occulte. Quand tu parles d'une race, tu parles toujours d'individus sur d'autres plans, dans des univers parallèles, qui se servent de cet état de conscience-là pour la fabrication et le développement de types génétiques particuliers pour l'avancement d'une certaine conscience biologique, d'une certaine conscience née. Mm-hmm. Mais sur le plan mental, sur le plan éthérique, le concept de la race n'existe pas parce que la race éthérique n'est pas biologique. Donc quand tu parles de race ou que tu parles d'une conscience qui est enfermée à l'intérieur d'une race, tu parles automatiquement d'une évolution de conscience, donc tu parles de coupure, de scission entre les pères et les fils de la race. C'est ça qui écrit le mystère adamique. C'est pas naturel que des êtres sur une planète n'aient pas conscience intégrale et totale de leur source, de leur devenir. Qu'ils n'aient pas totalement contrôle sur leurs énergies. Parce que une des grandes fonctions de la lumière dans les mondes parallèles, ce n'est pas d'instruire. Sur le plan matériel, la lumière instruit parce que maintenant, elle a passé à travers l'astral, la conscience humaine. Mais sur les plans cosmiques, dans les mondes parallèles, la fonction de la lumière, c'est d'établir des ordres de vibration tellement différents que la propriété de chacun permet à ceux qui sont en dessous d'un ordre de grandir en conscience. C'est la seule fonction évolutive de la lumière. La lumière dans les mondes parallèles ne sert pas, n'est pas utilisée pour la formation de race. Où il y a formation de race, c'est quand il a été décidé par des êtres, par des intelligences qui évoluent dans les mondes parallèles de faire un certain ménage pour voir si certaines expériences scientifiques peuvent être utiles pour permettre que certaines longueurs d'onde qui appartiennent à certaines consciences puissent se perpétuer au cours de l'évolution puis donner de nouveaux types d'évolution. C'est ce qui s'est produit avec l'homme sur la Terre. La race noire, la race jaune, mais il y a toutes ces races-là qui sont le résultat du contact entre des extraterrestres et Cro-Magnon ont donné l'homme. Le missing link entre l'homme, le missing link qu'on trouve en anthropologie est basé sur le fait que Cro-Magnon a précédé Homo sapiens, puis Homo sapiens était le résultat d'une mutation faite par des intelligences venant d'ailleurs sur Cro-Magnon. Ça a donné ce qu'on appelle, nous autres, le type de race qu'on a aujourd'hui. Il y a des gens qui veulent croire que des races sont venues d'ailleurs. les races blanches, la race jaune, la race noire sont venues d'ailleurs. Que le contact n'a pas été fait avec Cro-Magnon. Mais c'est pas de même que ça s'est fait. Parce que les forces cosmiques, les scientifiques universels, les civilisations systémiques sont tellement avancées en science qu'ils sont capables de prendre Cro-Magnon, sont capables de fracturer son code génétique à toute la hauteur de ces différentes vibrations. Ils sont capables de complètement manipuler le code génétique de Cro-Magnon et de faire ressortir des traits qu'on appelle la race jaune, la race noire, la race là. Donc, ils n'ont pas besoin d'amener du monde de l'autre bord. Puis d'ailleurs, ils n'ont pas le droit de faire ça parce que tu ne peux pas, cosmiquement parlant, tu ne peux pas isoler une race qui appartiendra à ton peuple et l'envoyer en quarantaine sur une planète très, très, très éloignée comme la Terre. C'est contre les lois parce qu'il y a trop de conscience dans ces mondes-là. Parce qu'ils vont pas prendre, même si tu as des individus qui ont des déformations, des individus qui, de notre point de vue, nous autres, seraient des éléments criminels, sont capables de changer ces êtres-là. Parce que la science est tellement avancée qu'ils n'ont pas besoin de prendre ce monde-là, de les envoyer en prison et essayer de s'appeler le père. Fait que Cro-Magnon, il a été transmuté, puis ça l'a donné avec les variations ce qu'on est, puis un jour, le contact avec ces civilisations-là doit se refaire. Mais pour qu'il se refasse, il faut qu'il y ait sur la Terre une fondation, une nouvelle fondation. Ça veut dire qu'il y a des individus sur la Terre qui connaissent réellement les lois du plan mental, qui sont capables de vibrer des pensées que ces êtres-là sont capables de capter. Parce que la pensée, cosmiquement parlant, c'est pas simplement une pensée comme on vit, nous autres. Excusez. Nous autres, quand on vit des pensées, on vit toujours des pensées. C'est toujours des égrégores qui sont connectés à des problèmes. Parce que la pensée, au niveau cosmique, c'est simplement une vibration qui peut prendre une forme, mais qui va prendre techniquement une forme comme communication, une télépathie quelconque. Puis cette télépathie-là, éventuellement, une fois que l'homme est capable de la vivre puis de la supporter au niveau de son mental, mais elle le met automatiquement en contact avec les réseaux universels. Fait que quand le temps vient pour que l'homme vienne en contact avec ces intelligences-là pour aider probablement l'évolution de la Terre au niveau de la science, ainsi de suite, les races qui existent, à ce moment-là, la race humaine sur la Terre qui existe est protégée par des êtres qui ont atteint un niveau d'évolution suffisamment avancé pour protéger la race évolutive contre le choc terrible que ces êtres-là peuvent créer quand ils viennent à l'encontre de l'homme. Parce qu'eux autres n'ont pas le même taux vibratoire que nous autres. Fait que les autres, tu te regardes et t'en donnes tout ça. Ils font ce qu'ils veulent avec toi. Fait que là, il faut que l'homme soit protégé. Et pour ça, il faut que l'homme évolue. Il faut que l'homme en arrive à réellement passer d'un plan mental inférieur, qui est l'intellect, à un plan mental supérieur, qui est la conscience supramentale. Vous appelez ça comme vous voulez. Et ça nécessite une conscience du réel, donc ça implique un très grand niveau d'identité. Puis c'est pas grave qu'il y en ait 10, 15, 20, 50. Ce qui est important, c'est qu'il y en ait, parce que c'est ça qui va créer la nouvelle fondation pour qu'éventuellement l'homme de la Terre soit protégé, même à son insu, parce que l'homme n'a pas besoin de savoir ce qui va se passer entre les races systémiques puis son plan planétaire. Entre les races systémiques et les individus qui vont passer à l'immortalisation de leur conscience. Okay. C'est pas nécessaire que l'homme de la rue sache ce qui se passe. Mais ce qui est nécessaire, c'est que cosmiquement, ça soit établi sur les conditions. Sans ça, l'homme n'aura pas de façon de se protéger. Mais de la façon que vous dites... Parce qu'il est trop, il est trop naïf. Puis la naïveté, c'est très grave. C'est très grave. Tu sais, je regarde mon initiation, moi, qui a été pris fait en 84. Puis, on dirait que toute mon initiation, moi, ça a été de détruire, puis de détruire, puis de détruire, puis de détruire la fondation psychologique de la vérité que les forces, ou mes propres forces, voulaient m'imposer dans le processus de fusion, jusqu'à temps que je nettoie ça. C'est ça d'ailleurs qui m'a fait voir l'existence du mensonge cosmique, puis qui m'a rendu, qui m'a donné la chance finalement de gratter la surface, en dessous de la surface de la conscience humaine. Mais l'homme a pas besoin de vivre ces grandes souffrances initiatiques-là. Mais l'homme doit apprendre et doit étudier des choses qui ne font pas partie des conventions de la connaissance humaine. C'est plus pratique pour nous autres, comment est-ce que Blavatsky appelait ça, là, la sagesse primordiale, puis c'est plus pratique pour nous autres, parce qu'on n'a plus besoin d'être supporté dans notre conscience par des entités, des très hautes entités, qui ont servi dans des temps, qui faisaient partie de l'invitation de la conscience humaine à astraliser sa conscience pour développer un peu, sortir un peu de sa conscience animale. C'est la seule fonction. La religion, la fonction de la religion, c'est de sortir l'homme de sa conscience animale. Mais au niveau des sciences occultes, c'est plus assez. L'homme doit avoir une science certaine, fondamentale. Là, vous allez dire, mais comment est-ce que l'homme peut être certain de l'invisible, de tout ce qu'on ne voit pas et qu'on ne peut pas mesurer? Puis, la réponse à ça, il n'y en a qu'une réponse à ça, c'est que l'homme va découvrir un jour qui il est. C'est quoi ça? Moi. C'est quoi ça, moi? Puis l'homme va découvrir qui il est. Puis quand tu découvres qui il est, ton énergie est tellement grande au niveau mental, je pense. Ton énergie est tellement grande au niveau mental que tu ne peux plus te laisser englober par des pensées ou par des notions ou par des sciences qui ne font pas partie de ton savoir. Donc, quand je regarde l'homme, je regarde deux types. Il y a l'homme de l'évolution qui a duré jusqu'à aujourd'hui, puis il y a l'homme de l'évolution qui commence parce que c'est l'évolution d'une nouvelle souche de conscience. Puis il y aura des hommes au cours de l'évolution qui vont rentrer dans ce nouveau corridor-là, puis il y a des hommes qui vont rester dans celui qu'on connaît, puis éventuellement ces deux temps-là vont se séparer parce que ce sont des temps différents. Il y en a un, c'est un temps planétaire, puis l'autre, c'est un temps systémique. Il y a des hommes un jour qui vont sortir de leur corps physique puis vont passer directement à l'éther, comme si c'était quand tu passes de l'hiver au printemps. Fait que ça fait partie des lois universelles, ça fait partie des constantes universelles. Mais en attendant, pour que l'homme en arrive à créer sa propre fondation, il va falloir qu'il réalise que la pensée, comme ça, qu'il réalise que la pensée, c'est l'outil par excellence utilisé dans sa conscience mentale pour le désinformer. Puis il va falloir qu'il travaille contre ça, puis qu'il travaille contre ça, puis qu'il travaille contre ça, puis qu'il travaille contre ça. Puis c'est là qu'il va connecter télépathiquement avec les circuits universels, puisque là, il va passer graduellement à l'immortalité de sa conscience. Puis le plus grand danger, c'est la vérité. Pardon? Le plus grand danger, c'est la vérité. La vérité, c'est un danger nécessaire pendant l'évolution, puis demain, ce sera un danger qui devrait être évité, la vérité. C'est très grave, la vérité. Gardez les guerres, gardez les idéologies, gardez les guerres des religions, gardez ce qui se passe entre les Arabes et nous autres. Tu sais, le grand Satan pour un arabe, c'est le grand Satan. Ça fait que c'est très grave, la vérité. Quand je vous dis que la vérité n'existe pas dans l'univers local, ça n'existe pas. Il y a une science qui existe. Une science qui touche à tout, la matière, le minéral, les plantes, l'homme, la conscience. C'est universel. Il y a des races que... Je regardais un programme de télévision dernièrement, ils ont trouvé un genre de... Dans le sud-ouest américain, ils ont trouvé un genre de... Un genre d'œuf en pierre. Puis ils l'ont coupé en deux dans le laboratoire. Puis à l'intérieur de ça, il y avait quelque chose de scientifique là-dedans. Puis ils l'ont évalué au carbone 14. Puis ils ont réalisé que l'objet lui-même, là, c'est vieux de 500 000 ans. Ça dérange bien gros les scientifiques des affaires humaines, c'est normal, tu sais. Mais pourquoi est-ce qu'on n'avance pas au niveau de la science sur la Terre? Parce que tout le monde...